Chapitre 8. On reconnaît authentiquement le corps de la bienheureuse Germaine, sa nouvelle translation. Le corps de la bienheureuse Germaine resta dans le susdit lieu jusqu'à l'an 1664, époque à laquelle il fut l'objet d'une seconde translation. Voici dans quelles circonstances. Jean Dufour, chanoine de la cathédrale et vicaire général de Monseigneur Pierre de Marsat, évêque de Toulouse, étant préposé à Pibrac pour la visite officielle le 22 septembre 1664, voulut reconnaître par un acte authentique le corps de la servante de Dieu et faire une enquête sur les miracles que l'on disait avoir été opérés par son intercession. Il ne sera pas inutile, croyons-nous, de reproduire ici le texte qui nous est resté de cet acte et qui, en grande partie, confirme tout ce que nous avons raconté jusqu'ici. Nous, Jean Dufour, prêtre, chanoine et archidiacre de l'église métropolitaine de Saint-Étienne de Toulouse et vicaire général de Mgr Pierre de Marsat, archevêque de Toulouse, nous nous sommes transportés dans l'église du lieu de Pibrac de ce diocèse et, après avoir célébré la Sainte Messe, avoir prié devant le maître-autel en présence de M. Solignac, curé du dit lieu, avons visité ce maître-autel. En outre, avons vu dans la sacristie une caisse longue en forme de cercueil ou bière, dans laquelle nous avons trouvé un corps entier, avec tous ses membres assemblés et retenus l'un avec l'autre par le moyen de leur ligature naturelle avec la peau qui recouvrait le corps et la chair, flexible au toucher en plusieurs endroits, ayant encore la chemise conservée et le suaire entier, à part quelques morceaux qui avaient été coupés. Et, nous étant informés auprès des personnes âgées du lieu des noms, qualités et habitudes de la personne pendant qu'elle était en ce monde, du temps de sa mort, et à quelle époque son corps avait été déterré, il nous a été répondu et assuré par Pierre Payès et Jeanne Salaire, tous deux parvenus à l'âge de 80 ans ou plus, et habitants du dit lieu, qu'ils avaient connu la personne à qui appartenait ce corps, qui était une jeune fille nommée Germaine Cousin, qui était scrofuleuse et manchotte, qu'il y avait environ 60 ans qu'elle était morte et 17 ans qu'elle avait été déterrée. De plus, le dit monsieur le curé, avec un grand nombre d'habitants de ladite terre, ayant avec grand soin indiqué l'endroit de ladite église dans lequel le dit corps avait été trouvé, dans le moment même qu'on y faisait une fosse pour enterrer une personne morte dans la même famille, nous avons ordonné qu'en notre présence, on ouvrit la terre dans l'endroit même désigné, et cela pour vérifier si le corps qui y avait été déposé alors s'était conservé intact, et si par conséquent c'était par la nature et propriété du terrain que le corps de Germaine Cousin avait été préservé de la corruption. Et les fossoyeurs l'ayant mis à découvert, nous, avec nombre de personnes, nous l'avons reconnu pour être totalement putréfié, les os séparés les uns des autres, n'y ayant aucune trace, ni des enveloppes, ni de la peau, ni de la chair, mais seulement poussière et pourriture. Après cela, étant retourné à la sacristie et ayant fait fermer le cercueil de la bienheureuse avec une serrure fermant à clé comme il était devant, nous l'avons fait mettre contre le mur de la même sacristie, sur deux bancs à la hauteur de 9 palmes, à droite de la table de la dite sacristie. Et tout de suite a été remis aux mains du dit sieur curé un livre, dans lequel a été relatée la notice authentique avec les signatures des notaires et des témoignages des guérisons bien certaines, obtenues par plusieurs personnes qui s'étaient dévotement recommandées aux prières de cette bonne vraie servante de Dieu, dans leur nécessité, tant pour les affections scrofuleuses que pour les paralysies, les ulcères, fièvres, coliques, maux d'yeux, cécité, fluxion, tumeur, hydropisie et autres maladies, et ayant remarqué que diverses personnes qui étaient là pouvaient témoigner de quelqu'une des dites guérisons, parce qu'elles avaient vu les personnes dans leurs infirmités, avant le vœu fait à la bienheureuse, comme aussi dans la guérison parfaite depuis l'accomplissement du même vœu, nous avons décidé qu'il sera procédé à une enquête juridique sur la vérité des dites guérisons, avec l'examen des personnes qui en ont été l'objet et des témoignages du fait, et cela par un commissaire qui sera par nous député à cet effet. Et en attendant, nous défendons au dit sieur curé et à qui que ce soit d'exposer le dit corps, ni aucune partie dit celui en public, à l'effet qu'il lui soit rendu par les fidèles quelque culte ou vénération de culte public ou particulier, ni de le remuer de la place où nous l'avons mis, et cela sous peine d'excommunication, jusqu'à ce qu'il plaise à la divine providence de continuer d'une manière plus éclatante encore à manifester sa volonté sur ce sujet, et qu'il en soit ordonné autrement par l'Église. Or, par ce qui précède, chacun a pu reconnaître que, dans les seules 16 années écoulées depuis la première invention jusqu'à la deuxième translation du corps, un grand nombre de guérisons miraculeuses en tout genre d'infirmités ont été opérées par l'intercession de la bienheureuse Germaine. Malgré cela, et quelle qu'en fût la cause, ni à cette époque, ni pendant un certain laps de temps, conformément aux prescriptions de l'archidiacre du four, il ne fut fait d'informations juridiques. Voilà le motif pour lequel on ne put plus avoir des renseignements particuliers touchant la vie de notre bienheureuse par des témoins oculaires encore vivants, tels que Pierre Payès et Jeanne Salaire, cités plus haut, lesquels avaient vu de leurs yeux le prodige des fleurs trouvées dans le tablier de Germaine au lieu de morceaux de pain. Seulement, dans l'année 1700, on rédigea un bref procès d'enquête ordinaire dont nous allons parler.